franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Michel Butor. Jacques Chancel. Michel Butor, quel titre choisir ? Professeur, essayiste, écrivain, bien évidemment, romancier, on parle du nouveau roman, ou peut-être plus encore voyageur ? Je suis tout cela à la fois, évidemment, et je voyage dans les livres aussi. Je voyage d'un genre littéraire à un autre. On devient curieux en voyageant. Quand on voyage pour la première fois, on n'est pas encore capable de reconnaître ce qu'il y a de différent dans un autre endroit. Tandis que lorsqu'on a déjà vécu dans deux pays, on sait faire la différence entre les deux pays. Alors on est préparé pour voir un troisième. Vous savez, c'est comme quand on apprend les langues étrangères. La plus difficile, c'est toujours la première à apprendre. Mais une fois qu'on sait, il paraît, parce que je ne suis pas dans ce cas, mais une fois qu'on sait déjà 15 langues, la 16e, c'est plus rien du tout. Alors, on a tenté de vous classer, Michel Butor, et on vous a souvent mis dans un univers dont on attendait beaucoup de surprises. Tout à l'heure, je parlais du nouveau roman. Vous le regardez encore comment, ce nouveau roman ? Est-ce un mot que l'on peut employer aujourd'hui ? Eh bien, c'est un mot qu'on emploie en tous les cas. Vous êtes un chercheur. Ah, moi, je suis un chercheur, oui. CNRS, presque. Oui, mais alors un CNRS à moi. Ah oui. Vous voyez, je suis mon propre directeur de recherche. Centre là. National oui. De la Recherche Scientifique Littéraire. Si vous voulez. Pour l'écriture. Oui, si vous voulez. Alors, bon, pour revenir au nouveau roman, puisqu'il faut bien faire allusion. Ça on aura, oui, comme ça, on aura utilisé le mot. Oui, comme ça, on aura la paix après. Oui. Eh bien, alors, c'est un chapitre des histoires de la littérature française du XXe siècle. Donc, c'est quelque chose qui a son importance. C'est un ensemble d'écrivains que j'estime beaucoup. Mais c'est déjà quelque chose qui fait partie, justement, des histoires de la littérature. Et vous êtes dans ces histoires ? Moi, je fais partie de ces histoires-là, pour cette période-là. Mais vous allez être flatté, quand même. De mon œuvre. Mais bien sûr, ça ne me déplaît pas. Mais ce que je fais maintenant est différent. C'est en liaison, naturellement. Ce que je fais maintenant dépend de ce que j'ai fait il y a 20 ans. Mais je cherche autre chose. Et puis, il m'arrive autre chose. Je me suis beaucoup promené, comme vous, et je dois dire que ces deux dernières années, lorsque on parle littérature, que ce soit au Brésil ou en Amérique, on cite votre nom, beaucoup plus que beaucoup d'auteurs français très connus en France, plus connus en France que vous-même. On parle d'Alain Robbe-Grillet, on parle de Nathalie Sarraute, on parle de Michel Butor, vous le savez. Oui. Alors, comment analysez-vous à la fois ce succès à l'étranger et cet anonymat en France, pas anonymat, parce que vous êtes très connu en France, vous avez eu le prix Renaudot, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais vous êtes plus connu, je parle d'intelligentsia, je parle de milieu intellectuel à l'étranger, ou plutôt mieux reçu, pas plus connu, c'est pas le mot, mieux reçu. Eh bien, c'est la façon dont on voit la littérature ou les arts n'est pas la même dans le pays même, et puis lorsqu'on traverse une frontière. Parce qu'il y a certaines choses qu'on voit mieux de loin. On n'est pas gêné par toute une... Les modes. On n'est pas gêné par la mode et toute une agitation qui est, dans une ville comme Paris, certainement extrêmement forte, passionnante d'ailleurs. Mais Paris consomme les modes avec une rapidité extraordinaire, et les modes intellectuels en particulier. Tandis que lorsqu'on voit ça de l'autre côté de l'Atlantique ou même de l'autre côté de la frontière suisse... Oui, la dernière mode, on la reçoit avec beaucoup plus de tranquillité. Alors, on voit les choses s'étaler sur une, sur une période plus vaste. On ne juge pas, si vous voulez, avec la même période de temps. Mais pas des victimes du moment. Non. Vous voyez, c'est comme dans les journaux. Il y a les journaux qui paraissent... Il y a les quotidiens. Oui. Les quotidiens sont obligés d'avoir des choses nouvelles à annoncer absolument chaque jour. Les hebdomadaires ne sont obligés d'avoir des choses à annoncer que chaque semaine. Lorsqu'on tient la chronique de la littérature française au Brésil, par exemple, on n'a pas besoin d'annoncer une chose par semaine. On a besoin d'annoncer quelque chose chaque trimestre. Alors on a le temps de voir les choses qui se passent et les choses se décantent tout autrement. Il y a pour vous une nécessité, Michel Buteur, une nécessité à rester professeur. Eh bien, ça, c'est une nécessité pratique, d'abord. J'aime bien le métier de professeur. Puisqu'il faut que je gagne ma vie autrement que par mes livres, eh bien, le meilleur métier pour moi est celui de professeur, parce que je... voilà, ça me... Le contact avec les élèves Oui, oui, oui, oui. Ça me plaît, ça me... Voilà, pour plusieurs raisons. Ça me plaît parce que ça me force à des lectures, à des relectures que je ne ferais pas autrement. Je lis beaucoup pour mes propres livres, mais les cours que j'ai à faire m'obligent à relire certaines choses et bon, ça me fait toujours découvrir quelque chose. Ça m'entretient, c'est un bon exercice, si vous voulez, au point de vue sportif, ou bien comme un pianiste est obligé de faire des gammes tout le temps. Eh bien, là, moi, j'ai cette lecture-là qui est bonne. D'autre part, j'aime bien les étudiants. J'aime bien parler à des gens. J'aime bien expliquer des choses à des gens, leur faire découvrir. Leur faire aimer. Leur faire aimer, naturellement. Naturellement, c'est ça que je cherche. Je suis heureux de voir qu'un cours marche bien. Vous voyez qu'on a les regards des étudiants. Comme ça, on sent très bien. C'est exactement comme un acteur. Qui sent très bien si la salle marche ou pas, ou comme un clown dans un cirque. On sait très très bien. Et bien de même, un bon conférencier ou un bon professeur qui ne lit pas, n'est-ce pas, qui parle en face, sent très très bien comment ça passe. Quel cours faites-vous en ce moment, par exemple ? En ce moment, j'ai beaucoup de chance. Je fais un cours très difficile à faire. Mais qui me plaît beaucoup, je fais un cours sur Jules Verne. Je fais un cours public sur Jules Verne. Alors, vous voyez, ça, c'est une chance. C'est la première fois à l'Université de Genève qu'on fait un cours public sur Jules Verne. Vous l'aviez lu au moins dans votre enfance, ou bien vous l'avez lu après ? Je l'ai lu dans mon enfance, un peu, mais je l'ai beaucoup lu après. Je l'ai beaucoup relu ces derniers mois, et je le relis beaucoup encore. C'est ça la difficulté, c'est que c'est une œuvre énorme. Ça, 65 voyages extraordinaires, alors, ça fait quelque chose de très difficile à manier. Mais... c'est très intéressant de faire découvrir Jules Verne à des étudiants d'aujourd'hui qui, en général, ne l'ont pas lu. Mais qui ont envie de le lire. Et maintenant, oui. Maintenant, d'une façon tout à fait nouvelle, parce qu'on découvre ça autrement, alors ils ont envie de le lire et ils découvrent des richesses qu'ils ne soupçonnaient pas. Et sans doute avez-vous envie d'aller jusqu'au bout de l'œuvre, parce que je crois savoir que dans votre jeunesse, vous étiez un peu musicien, un peu dessinateur, et pour chaque livre, il y a quand même une construction, je dirais presque une architecture. Alors vous allez peut-être jusqu'au bout de l'édition, parce qu'il y a les éditions Wetzel. Vous étudiez cela aussi ? Vous sortez de la littérature pour entrer dans la fabrication, la manière que l'on a d'offrir un livre, le secteur commercial ? Ah mais bien sûr, ça m'intéressait. Tout cela m'intéresse énormément. Alors, en ce qui concerne Jules Verne, par exemple, ça c'est un auteur en or pour ça, parce qu'il a bénéficié de superbes éditions illustrées, avec des artistes très intéressants, et puis avec des cartonnages magnifiques qu'on a étudiés récemment, etc. Bon, alors ça c'est un auteur qui est très intéressant à cet égard, au point de vue de la physique du livre, de la fabrication du livre, de tous les problèmes de la situation du livre à l'intérieur d'une société à un moment donné. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi aussi. Je m'intéresse beaucoup à la façon dont on fabrique des livres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tant fait de livres de luxe, parce que c'est dans le livre de luxe que j'ai eu, paradoxalement, le moyen de mieux contrôler la fabrication. Alors, on a beaucoup écrit sur vous, il y a des thèses, les étudiants s'interrogent. Vous pouvez répondre, vous, à votre propre interrogation. Qui est Michel Buteur ? Ah ben, j'ai besoin des autres pour ça. Si j'écris tellement, c'est pour que les autres me disent qui je suis. Je me situe un peu, mais j'ai toujours envie de corriger ce que je dis de moi-même. Si vous voulez, quand je me regarde dans une glace... Vous ne vous reconnaissez pas, d'abord ? Mais non. Mais non. Et ça m'arrive pourtant tous les matins. Hein, tous les matins, en me rasant, je suis bien obligé de me regarder dans la glace. Je suis toujours étonné, j'ai toujours une autre tête que celle que je croyais. Lorsque je m'interroge sur moi-même, c'est encore la même chose. Il y a toujours quelqu'un en moi qui va dire « non, non, non, c'est encore autre chose que ça ». Lorsque d'autres parlent de moi, là, c'est... ça m'intéresse plus, si vous voulez. Et j'ai besoin d'eux pour savoir qui je suis. Je suis pas d'accord lorsqu'ils parlent de moi, je suis jamais d'accord. Mais pourtant, quelquefois, dans certains cas, je suis étonné de leur perspicacité. Et alors là, ça, là, c'est réussi. Mais êtes-vous d'accord lorsqu'on dit que vous êtes difficile d'accès ? Non. Non, je ne suis pas d'accord, c'est un malentendu. Je suis... j'ai la réputation d'être difficile. Et c'est une réputation très honorable. Mais je ne suis pas difficile de la façon qu'on croit. Vous pourriez le faire exprès. Oui. Je ne l'évite pas. Parce que les choses sont difficiles. Hein. C'est... tout ce qui nous entoure, c'est très, très difficile. On est perdu dans le monde contemporain. Alors, c'est pas la peine de... c'est pas la peine de dorer la pilule. Hein. C'est pas vrai de prétendre que les choses sont faciles. Non, c'est horriblement difficile. Mais je fais tout ce que je peux, moi, pour expliquer ça le plus facilement possible, que les choses sont difficiles. Alors, il y a une certaine difficulté, si vous voulez, qu'on ne peut pas éliminer sans tricherie. Mais, ceci dit, mes textes, je fais tout ce que je peux pour que mes textes ne soient pas trop difficile, pour qu'il n'y ait pas du tout de difficultés extérieures, si vous voulez, pour qu'ils soient aussi directs que possible. Seulement, ils exigent un changement d'habitude. Mais j'ai vu ça très souvent. Des gens cultivés ont souvent plus de difficultés à aborder mes livres que des gens beaucoup moins cultivés. Seulement, il y a... parce qu'ils ont des habitudes. Ils ont des habitudes. Si vous voulez, quelqu'un qui est cultivé... il a le tort de croire qu'il sait lire. Alors, quand il voit un livre où il ne comprend pas, il dit tout de suite que l'auteur a tort. Tandis que quelqu'un qui sait bien qu'il n'est pas cultivé, il sait aussi que quand il va lire un livre, il y a toujours des tas de choses qu'il ne comprend pas. Et alors, quand il lit les miens, il n'y en a pas plus qui ne comprend pas. Alors prenons par exemple le dernier, je ne sais plus si c'est le dernier, parce que vous écrivez tellement qu'il y a toujours un livre qui est quelque part derrière les broussailles, Boomerang. On pourrait dire que c'est le troisième du génie du lieu, c'est bon, ça. Boomerang, alors on regarde, on se met dans ce livre, il y a une architecture, déjà dans la manière de composer les pages, dans les couleurs, il y a du rouge, du bleu, du blanc, et puis il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un point, tout se suit, tout est parlé. C'est presque un rythme, c'est presque une musique, c'est presque même une prière. Alors, vous pensez que vos lecteurs ou les lecteurs qui ne sont pas habitués peuvent vraiment s'y installer, alors que ceux qui ont une habitude de la littérature partent immédiatement lassés. C'est pas qu'ils soient lassés, non. Ceux qui ont une habitude de la littérature risquent d'être déroutés par cette présentation inhabituelle. Et ils risquent de ne pas faire le petit effort nécessaire pour s'installer là-dedans, pour voyager à l'intérieur de cela. C'est vrai, c'est un voyage. Oui, tandis que quelqu'un qui est plus modeste, si vous voulez, à cet égard, eh bien, va feuilleter le livre, s'apercevoir qu'il se met à se promener là-dedans, les couleurs, la disposition des pages, il va très rapidement voir que ça l'aide. Vous voyez, moi, j'ai dit à quelqu'un, je voudrais qu'un livre comme ça, je voudrais qu'on le mette dans les salles d'attente des dentistes. Vous voyez, où on met en général des illustrés, etc. Eh bien, on devrait mettre un livre comme ça dans des salles d'attente. Les gens sont là, ils attendent, ils ont une espèce d'angoisse là. Bon, ils pourraient très bien feuilleter un livre comme ça. Et puis, ils trouveraient leur chemin, déjà, dans quelques pages, et puis, une autre fois, ils trouveraient leur chemin dans d'autres pages, et au bout d'un certain temps, ils pourraient voyager à pleine voile, si vous voulez, à l'intérieur de cette espèce d'océan qu'est ce monstre, ce livre monstrueux. Boomerang. Oui. Mais lorsque vous écrivez à quelqu'un, Michel Butor, vous mettez des virgules, vous installez des points, vous revenez à la ligne? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Lorsque j'écris beaucoup... Donc c'est une recherche. Oui, j'écris beaucoup à des amis. J'ai une correspondance importante parce que Pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Il y a des lettres qui m'arrivent un peu du monde entier. Et c'est très important pour moi, cette présence par les lettres. Bon, je réponds quand je peux. Et je réponds en... Comme je ne peux pas répondre de longues lettres, alors j'ai trouvé un subterfuge, si vous voulez. Je découpe des cartes postales et je fais des espèces de montages. Alors j'envoie des cartes postales. Je remplis la carte postale. Et je ne vais pas forcément à la ligne, mais quelquefois je vais à la ligne. Et je remplis la carte postale de telle sorte que j'envoie le plus d'informations possibles. Mais vous voyez, pas seulement de l'information sur les événements, mais de l'information sur l'atmosphère, sur l'humeur, voilà. Sur le temps. Tout cela, tout ça. Pour moi, c'est très important. C'est très important pour moi de recevoir une lettre de Tokyo me disant qu'il a neigé, n'est-ce pas? Je reçois la lettre 15 jours ou 3 semaines après. Mais vous voyez le paysage. Mais ça ne fait rien. Oui. Il neige pour moi sur cet ami à cet endroit-là. Et c'est essentiel. Alors, pour lui aussi, le fait que je lui dise, ben voilà, telle fleur... C'est ouverte dans mon jardin, c'est très important. Pour un japonais, en tous les cas, c'est très important. De votre roman, L'emploi du temps, vous dites labyrinthe dans le temps, et puis vous ajoutez aussi labyrinthe dans l'espace. Mais je crois qu'on pourrait dire qu'il s'agit de tout cela dans toute votre œuvre. C'est un labyrinthe, et oui. C'est vraiment l'image du temple grec. Et tout à l'heure, on regardait une partie de tennis, et on voyait que les lignes du court ressemblaient également à ce labyrinthe, c'est-à-dire à un espace qui devient une figure géométrique. Ah, mais un court de tennis, c'est un très bel espace. C'est comme un Mondrian, un court de tennis. Oui, la peinture s'y retrouve tout de suite. Oui, tout de suite. Et alors, ce qui est très, très beau, c'est le trajet de la balle là-dedans. Et ce trajet qui n'est pas simplement, ça ne fait pas seulement des lignes, parce que ce sont des lignes animées avec, il y a des intensités extraordinaires qui passent, ça accélère. C'est très beau à voir. Eh bien, dans mes livres, évidemment, il y a quelque chose comme ça. Il y a des espaces qui sont balisés, on se promène dans des villes, dans des pays, etc. Et alors, l'écriture est un trajet qui est souvent extrêmement complexe, extrêmement enlacé, il revient sur lui-même. Le thème du labyrinthe est certainement un thème essentiel dans tout ce que j'ai fait. Vous ne ferez plus de romans? Ah, je ne sais pas, peut-être, un jour, peut-être, ça... Non, toutes les portes sont ouvertes avec vous. Oh, mais oui. C'est le problème de la curiosité, oui, d'ailleurs. Oui, il n'est pas du tout impossible qu'un jour je me remette à écrire un roman, et même un vieux roman. Mais dans la mesure où ça sera nécessaire, vous voyez, par rapport au reste, à tous les autres livres. Parce que si je fais un livre de plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans l'ensemble des livres précédents. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais alors là, il y a quelque chose qu'il faut absolument arranger, là, ajouter quelque chose ici. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'ajouter des romans au sens habituel du terme. J'ai bien d'autres choses. Bien des voyages à faire. Bien autre chose à faire. Il y a des parcours. Oui. Alors, Michel Butor, votre entrée dans le monde des lettres a été saluée par les meilleurs esprits de ce temps. Enfin, des hommes comme Aragon, Michel Léris, Jean-Paul Sartre ont dit tout le bien qu'ils pensaient de vous. Et je me demande si, à un certain moment, Michel Butor n'a pas été déçu par Michel Butor. Comment ça? Vous reconnaissez-vous dans ce qu'il disait et vous reconnaissez-vous aujourd'hui dans ce que vous êtes? Je me suis reconnu quelque peu. Lorsqu'il disait « c'est un père », ce qui était déjà quand même très joli. Oui, c'est très bien. Alors, je me suis reconnu... Ça vous fait plaisir, ça? Bien sûr, ça me fait beaucoup de plaisir. Ça me fait toujours plaisir quand on parle gentiment de moi, vous savez, toujours ça. Je ne me déçois pas, si vous voulez, parce que je ne me regarde pas. Je regarde ce que je fais, quand je le fais, quand j'écris un livre, je travaille énormément là-dessus. Je relis beaucoup mes livres avant de les abandonner et de les livrer aux autres pour qu'ils m'en parlent, pour qu'ils me disent justement qui je suis. Mais après, en général, je ne les relis pas. Je les relis seulement pour en tirer un matériau pour autre chose. Alors évidemment, je suis quelquefois assez surpris quand je me relis. Donc, vous seriez plutôt un homme du Nord par accident qui a passé la cinquantaine, qui est un joli cap, pour s'installer, mais vraiment parce que c'est le cœur qui parle, dans le Midi. Mais voilà, je suis né dans le Nord, Mais c'est en effet par accident, et j'ai quitté le nord, c'est-à-dire très précisément la banlieue de Lille, quand j'avais l'âge de 3 ans pour venir à Paris. C'est-à-dire je suis un Parisien caractéristique. Et j'ai toujours été fasciné par le sud. Il y a des gens qui sont fascinés par le nord, j'ai des amis qui sont fascinés par le nord, ils sont jamais assez au nord. Bon. Mais moi, non. Moi, je suis fasciné par le sud, et lorsque je reviens à Lille ou en Belgique, la lumière qui est là est pour moi en quelque sorte la lumière normale. C'est ce à quoi je m'attends. Il y a une espèce de tonalité qui a été donnée à ma vie et à mon regard dans ces 3 premières années. Le reste est un supplément d'âme. Voilà. Le reste, c'est une prime. Une gâterie. Voilà. Alors, la lumière de Nice, par exemple, je suis étonné chaque jour. Enfin, quand il fait beau à Nice, ce qui est très fréquent. Eh bien, voilà, ça, c'est une espèce de récompense. Enfin, c'est mieux. Vous voyez, la réalité est mieux que je croyais. La première fois que j'ai fait un long séjour à l'étranger... La première fois que j'ai vécu vraiment à l'étranger, c'était en Égypte. C'était dans la vallée du Nil. Alors là, j'étais gâté. Mais là, vraiment, chaque matin, en me réveillant, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Que le monde, si vous voulez, que le monde soit bon. Parce que moi, je venais du nord, de la guerre, de Paris sous l'occupation, etc. Donc le monde, pour moi, était un endroit où, normalement, on avait froid. On était mal dans sa peau. Tandis que, voilà, quand je suis arrivé en Égypte, eh bien, voilà, un endroit où j'avais chaud, et puis tout le monde avait chaud, même les pauvres gens qui couchent la nuit sur les trottoirs. Eh bien, même eux, malgré tout, ils avaient chaud. Mais Michel Buteur, fallait-il des diplômes à votre bonheur? Parce que vous avez quand même, pour être professeur, passé tout ce qu'il fallait passer. Ah oui, j'ai passé. Vous avez fait beaucoup de philosophie, vous avez une licence, un diplôme doctorat ès lettres. Vous n'êtes pas agrégé de philosophie? Non, je ne suis pas agrégé. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Si, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché. Ah bon? Ça n'a pas marché. Je ne sais pas, j'avais un esprit qui n'était pas suffisamment conforme à ce qu'il fallait déjà à ce moment-là, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rendre conforme, mais il y avait un bon démon à l'intérieur qui m'a empêché. Alors, ma vie aurait peut-être été plus facile sur certains plans si j'avais passé ce concours. Au fond, je suis très content de ne pas avoir réussi. Alors, Michel Buteur, il y a toute votre œuvre, il y a beaucoup d'ouvrages. Vous parliez à l'instant de l'Égypte, et c'est, je crois, le premier chapitre d'illustration. C'est un chapitre du génie du lieu, où je parle de... Alors, justement, vous avez beaucoup écrit, et souvent, lorsque vous écrivez, vous revenez, car illustration, c'est 1, 2, 3, 4, je crois même. Oui, oui. Bon, ensuite, il y a le génie du lieu, 1, 2, 3, le dernier, boomerang. Ensuite, il y a matière de rêve, encore 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce parce que rien n'est jamais achevé? Eh bien, en effet, depuis un certain temps, j'ai introduit dans mes livres, pour m'y retrouver moi-même, si vous voulez, des catégories, comme les genres anciens, romans, etc., ne me suffisaient plus. Alors j'ai institué en quelque sorte des genres à moi, dans lesquels je peux ranger ce que je fais. Je ne peux pas continuer indéfiniment. J'ai fait 4 répertoires, 4 illustrations, etc. Je ne vais pas me mettre à en faire 10. Il y a des écrivains qui ont fait des suites comme ça, où il y en a beaucoup, mais je sens bien que ce n'est pas bon, ça. Alors, j'ai décidé que chacune de ces séries n'aurait que 5 volumes. Au 5e, je m'arrête cette série. Alors, il n'y a pas de 5e pour le moment. Pas encore, parce que j'hésite. Oui. J'hésite avant de mettre ce point final à quelque chose. Avant de mettre un point, un 5e... à une de ces séries, je vais m'arranger pour commencer par ouvrir une nouvelle série pour avoir de l'air, si vous voulez. Vous souhaitez bien évidemment un nombre très important de lecteurs. Alors êtes-vous attaché au tirage? Je souhaite de bons lecteurs. Oui. C'est pas une question de nombre. Pour moi, il est beaucoup plus important d'avoir 50 lecteurs passionnés plutôt que 50 000 lecteurs qui liraient ça distraitement. Mais on vous le permet. permet à Michel Butor de tirer, mettons, à 50 exemplaires. Et je vous ai tiré à beaucoup plus que oui, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, j'aimerais beaucoup mieux avoir 50 000 lecteurs passionnés. Mais la modification? Ah, la modification, ça, ça... Le prix Renaudot, vous avez tiré à combien? Oh, je ne sais pas aujourd'hui à quel nombre d'exemplaires c'est arrivé, la modification. Je crie toujours beaucoup contre les best-sellers, mais la modification, ça... comme tirage, aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est un best-seller. Non, puis non seulement cela, la modification a aidé toute votre œuvre. Vous a aidé vous-même. Et a été une locomotive. Vous avez un peu tiré, quand même, évidemment, non ? Évidemment, évidemment. Mais, naturellement, je désire beaucoup qu'il y ait beaucoup de gens qui soient passionnés par ce que je fais. Mais souhaitez-vous être connu ou reconnu ? Expliquez-moi la différence que vous mettez entre les disons deux. Disons connu, célèbre... Reconnu simplement, l'histoire retiendra votre nom. Vous serez inscrit vraiment dans les anthologies. Michel Butor, l'un des grands prêtres du nouveau roman. Oui, mais ça, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors, oui, et c'est pas intéressant ça. Bon, non, c'est secondaire. Oui, pour c'est moi. Vrai. Vous voyez, la question pour moi c'est d'avoir une certaine activité, de changer quelque chose. Que pour changer, si il faut pour changer quelque chose. Que j'ai une certaine célébrité, que je sois connu ou reconnu. Bon, d'accord, très bien. C'est fait. Mais l'important, c'est que ça change quelque chose. Mais il y a chez vous un goût d'enfance quand même. Et tout à l'heure, je parlais de la musique parce que je crois vous auriez bien voulu être violoniste ou enfin, disons. Ah ben, j'ai travaillé le violon. Ah quand pardon, vous l'avez jeune. Vraiment travaillé? Oui. Ah bon. Oui, j'ai travaillé le violon pendant 10 ans et puis j'ai arrêté d'abord parce que. J'avais jamais eu vraiment une bonne position, et puis on ne peut pas tout faire. Mais je suis bien sûr passionné de musique. Dessinateur, amoureux de peinture. Ah oui, je suis amoureux de peinture aussi. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune. Et puis aussi, à un certain moment, je me suis arrêté. Parce que je me suis dit, il ne faut pas se disperser. Ça, c'est un lassable soif de connaissance. Je parlais tout à l'heure de la curiosité, je parlais des voyages. C'est-à-dire, cet esprit toujours ouvert, que vais-je connaître demain, prêt à être étonné? Ah oui, mais et puis là, c'est bien d'être prêt à être étonné, parce qu'on est toujours gagnant. Hein. On est toujours étonné. Il y a des gens qui me disent, quand ils vont dans un pays, ils me disent qu'ils ont été déçus, ou ils se demandent si en allant quelque part, on ne sera pas déçu, ou si je ne serai pas déçu. Mais c'est impossible. On ne peut pas être déçu. On est déçu si on s'est fait des idées fausses. Si on arrive avec un esprit suffisamment dégagé, eh bien, on ne peut pas être déçu, parce que peut-être qu'on ne trouvera pas ce qu'on s'attendait à trouver, mais on trouvera au moins cette différence. Et ça, pour moi, déjà, c'est très, très intéressant. Naturellement, quand je vais dans un pays que je ne connais pas encore, je vais voir les musées, les monuments, etc. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand je vais dans un pays que je ne connais pas encore, une des premières choses que je vais voir, c'est un grand magasin. Parce que, voilà, ça, c'est un musée de la vie quotidienne qui m'apprend tout de suite d'innombrables choses, vous voyez. Et alors, je vais dans le métro. Là je vais aller à Mexico, à la fin de l'été. Eh bien, évidemment, je vais beaucoup travailler le métro de Mexico. Je vais beaucoup travailler aussi le musée archéologique, etc. Mais vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pareil pour la littérature ou pour la peinture. Si on va à la découverte d'un peintre qu'on ne connaît pas, bon, on sera déçu si on se fait des idées fausses. Mais justement, si on s'applique à démolir les idées fausses, on va aller à la découverte et on trouvera toujours quelque chose. Puis après ça, on reviendra de son voyage avec ses petites découvertes. Et souvent... On découvre des choses qui ne sont pas du tout dans les livres, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on dit d'habitude sur ce peintre-là, ou sur ce pays-là, ou sur cet écrivain-là. Mais alors c'est là que ça vaut la peine d'écrire un petit essai comme ça, qui fera dresser les cheveux sur la tête de certaines des personnes qui le verront, et qui le liront. Mais il y en a d'autres à qui ça... Il faut être un peu provocateur. Doucement, oui. Et parce que c'est en l'étant doucement que c'est le plus efficace. Avez-vous l'impression que l'on s'est trompé sur votre compte, sur votre travail? Parce que tout à l'heure, je parlais à dessein du CNRS, du Centre National de la Recherche Scientifique. On permet à un savant d'avancer pas à pas dans son travail, de se tromper, de faire des erreurs pour arriver à un résultat. Et souvent, on a dit, mais que cherche Michel Butor? Que fait-il? Quelle est cette écriture? Il la démolit, il la décortique. Or, c'est un autre travail. Cela ne veut pas dire que vous avez du mépris pour la langue française, et plutôt de l'amour pour lui donner un autre sens. Bien sûr que non, je serai pas professeur de littérature française. Je travaille sur cette brave langue française, enfin tous les jours, je l'apprends tous les jours. C'est là aussi, il y a des gens qui croient qu'ils savent le français. Mais oui. C'est pas vrai, personne ne sait le français, on n'a jamais fini d'apprendre le français. Dans le monde français, francophone, le rôle de professeur et le rôle d'écrivain sont tellement séparés l'un de l'autre qu'il est très difficile de comprendre pratiquement que c'est la même personne qui joue les deux rôles. Alors, je suis un peu comme Maître Jacques dans l'Avare de Molière. Vous savez, est-ce que vous me parlez comme cuisinier ou est-ce que vous me parlez comme cocher, hein? Alors, il faut alors que je change de chapeau. Eh bien, c'est exactement le sentiment que j'ai. J'ai le chapeau de professeur et puis j'ai le chapeau d'écrivain Michel Butor. Et cela pose des problèmes. Alors, je suis aidé par le fait que je suis professeur à l'étranger. Alors, lorsque je vais de Nice à Genève, hein, lorsque je passe la frontière, je change d'heure, hein, je change de monnaie, je change d'accent, les gens... Bon. Et je change de métier, je change de casquette. Presque de visage. Je change presque de visage. Je suis persuadé que les photographies prises à Genève, on peut les reconnaître. Hein? On peut voir ça, c'est pris à Genève, et puis que ça a été pris... À Nice. À Nice. Voilà. L'écriture est quelque chose qui est dévorant. On fait ça. Hein? Celui qui écrit vraiment, il écrit, on peut dire, avec sa propre vie. Mais ça veut dire que c'est aux dépens de quelque chose. Aux dépens de la famille. Et alors, bon, tant que c'est aux dépens de soi-même, bon, ça va très bien. Mais ce qui est difficile, c'est que cette dévoration va déborder. Si vous voulez, ça se traduit de la façon suivante. Lorsqu'on écrit des livres de ce genre, ben, on est absorbé, comme on dit. Hein, le langage courant est tout à fait clair à cet égard. J'y pense beaucoup, même en dehors des heures où je suis assis à ma table. Il y a toutes sortes de choses qui travaillent dans ma tête. Et par conséquent, je suis absent, comme on dit. Et les gens qui sont autour de moi vont souffrir de cette absence. Non seulement, assez souvent, je ne suis pas là parce que je suis à Genève ou à Paris ou... Autour du monde, mais en plus... En plus, et c'est ce qui est le plus difficile à supporter, même quand je suis là, je suis très souvent ailleurs. Je vois autre chose que les gens qui sont en face de moi. Vous parlez à vos filles quand même? Ah oui, je parle à mes filles, bien sûr. Dans vos vagabondages, elles vont avec vous? Quelquefois, dans certains. Elles sont allées dans certains de mes vagabondages. J'ai fait avec toutes mes filles, la traversée des États-Unis, n'est-ce pas, de la côte pacifique à la côte atlantique, il y a quelques années. Alors, je les ai fait beaucoup voyager. Mais au bout d'un certain temps, il a fallu qu'elles restent plus tranquilles à cause de l'enseignement secondaire dont il fallait se débarrasser. Donc, je les ai emmenées aussi souvent que j'ai pu, mais très souvent, bien sûr, je suis parti tout seul. Mais l'écriture est-elle laissée un héritage? Vos filles, vous en avez quatre, écriront? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. L'aînée a 18 ans, je crois. L'aînée a 19 ans maintenant. 19 ans. Et la dernière a 12 ans. Oui. Alors, mais prenons celle de 19 ans. Celle qui a 19 ans, elle fait des études de biologie pour l'instant. Mais il n'est pas du tout impossible qu'un jour, l'une de mes filles se mette à écrire. Mais elles auront, pour cela, elles auront besoin de se débarrasser de l'image... Du père. Du père, oui. Parce que elles ont eu besoin de prendre... Oui, à cause de ce dont on parlait tout à l'heure, de l'absence du côté absorbant de l'écriture, elles ont le sentiment que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pas seulement avec mon sang, si vous voulez, mais avec aussi un peu du leur. Donc elles ont une jalousie, une espèce de grande méfiance par rapport à tout cela. Et donc, elles ne peuvent lire, par exemple, ce que j'écris que d'une façon très oblique. C'est dans quelques années qu'elles liront ce que j'écris. Mais elles ont été obligées d'introduire des défenses, une enceinte contre cette espèce de minotaure qu'est l'écriture. Elles se sont protégées. Peu à peu, évidemment, tout ça va se détendre. Et à ce moment-là, qui sait, ça sera bon. Mais Michel Butor, qu'est-ce que le génie du lieu? Tout à l'heure, nous parlions de l'Égypte qui entrait dans ce premier génie du lieu. Mais qu'appelez-vous génie du lieu? Par exemple, ce lieu pourrait-il être tout à fait autre chose que l'Égypte ou que la Corée ou que le Mexique où vous allez? Cela pourrait-il être le carré d'enfance, la petite terre d'amour que l'on a quelque part? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, on fait de la critique littéraire ou on fait de la critique d'art. Oui. Et on essaie de savoir, quel est le... qu'est-ce que peut vous apporter un peintre? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il change? Qu'est-ce qu'il a changé dans l'histoire de l'art ou l'histoire en général? Mais on peut dire ça aussi pour des lieux. Alors, on voit ça très clairement pour des œuvres humaines. On peut faire de la critique sur de l'architecture individuelle. On peut parler d'un grand architecte, je ne sais pas, Brunelleschi, Borromini, Le Corbusier, bon, et l'étudier. Mais on peut étudier aussi, de la même façon, des architectures collectives. Par exemple, Venise, c'est une ville qui a de nombreux architectes qui ont tous quelque chose en commun et qui ont réussi au cours des siècles à faire un lieu qui est différent de tous les autres et dans lequel on est différent de tous les autres. Alors, les villes, évidemment, ont, on peut dire, un génie propre qui, quelquefois, s'est incarné historiquement dans quelques grands architectes ou dans quelques grands poètes, vous voyez, Dante à Florence, par exemple. Mais même le site à lui tout seul... Et quelque chose, vous voyez, le fait que, quand on se promène en Grèce, il y a des ruines, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Si on veut voir de grandes ruines grecques, ce n'est pas tellement en Grèce qu'il faut aller, il y en a de plus grandes en Turquie, en Sicile, etc. Mais il y a en Grèce aussi quelque chose d'autre qu'on va voir. On va voir le paysage, et le paysage tel qu'il a été choisi par les Grecs à certains moments. On va voir l'endroit où était un temple. Parce que ce qui était important, c'était pas seulement le temple, qui était peut-être un chef-d'œuvre architectural bon passionnant, mais l'endroit même où il était. Vous voyez, le profil de l'horizon autour, ce que l'on voyait, la route de Thèbes d'un côté, la route d'Athènes... Puis la vie qu'il y avait à ce moment-là. La vie qu'il y avait autour, évidemment. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et au Japon, là, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a ce qu'on appelle les trois paysages célèbres. C'est-à-dire, si on veut être cultivé, il faut avoir lu un certain nombre de grands classiques. Comme ici, il faut avoir lu quelques classiques. Et puis, il faut avoir vu quelques œuvres d'art. Mais en plus, il y a trois paysages qui sont nécessaires. Alors ? Oui, qui sont nécessaires à l'honnête homme. L'honnête homme japonais doit avoir vu trois paysages. Eh bien, ça, je trouve ça magnifique. Alors, les trois paysages, si vous voulez, ça c'est le cours élémentaire. Puis alors, en plus, il y a, je crois, 10 autres paysages pour le cours moyen. Puis alors, les gens qui sont vraiment bien, alors on voit beaucoup plus de paysages. Alors, faisons le cours élémentaire. Quels sont les trois paysages de Michel Butor? Les trois, ça, c'est bien difficile. Ça, c'est bien difficile à dire. Mais parce que j'ai bien plus que trois paysages. Alors, comme... C'est le cours supérieur. Oui, Mais alors, bon... il y a beaucoup de paysages qui m'ont énormément frappé. Mais alors, je vais... Je vais en choisir trois. Oui. Hein, je vais en choisir trois. Voilà. Puisqu'on a parlé de l'Égypte tout à l'heure, alors la vallée du Nil, oui, ça c'est quelque chose de très important. Alors comme paysage, avec culture antique, n'est-ce pas, avec culture ancienne. Alors par exemple, je ne sais, Louxor, la vallée des rois, etc. Deuxième paysage, les chutes du Niagara. Comme culture. Oui. Comme monument de la nature autour duquel s'est développé un énorme trafic touristique, des villes modernes d'exploitation comme ça, passionnantes aussi. Allez, regarde. En elles-mêmes, c'est les chutes du Niagara, c'est passionnant, mais les deux villes qui sont autour, tout ça, tout ce monde qui gravite autour, avec les jeunes mariés, évidemment, puisque c'est le pays des voyages de noces. Alors, donc, voilà. Deuxième paysage. Un second paysage. Le troisième. Complètement, vous voyez, complètement différent. Et le troisième, alors je prendrais un paysage plus cru, plus sauvage. Hein. Je prendrais Ayers Rock. Vous savez, c'est un gigantesque caillou qui se trouve en plein centre du désert australien. Et qui commence d'ailleurs à être exploité touristiquement. Il y a des... Parce que c'est le nombril de l'Australie. Alors, maintenant, les Australiens, à partir d'un certain âge, ils considèrent qu'il faut qu'ils soient allés voir ça. Hein. Dans leur pays, il faut qu'ils soient allés voir au moins Ayers Rock. Alors, il y a des caravanes, et puis des gens qui vont passer la nuit sous la tente, enfin, même de vieilles personnes. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a un aménagement de tourisme et de visite, mais qui est tout à fait différent de l'aménagement des chutes du Niagara et tout à fait différent, naturellement, du Winter Palace de Louxor. En tout cas, voilà les trois paysages. J'ai été frappé par ce que vous disiez, Michel Butor. Je suis un occidental qui se découvre être un Indien. Ah, eh bien ça, j'ai passé plusieurs années de ma vie aux États-Unis et j'ai découvert les États-Unis progressivement. J'ai commencé par la côte Est et puis ensuite je suis allé à la découverte de l'Ouest. Et j'ai énormément aimé l'Ouest américain, le Far West. J'ai passé deux années scolaires dans le Nouveau-Mexique. Et là, j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreuses danses indiennes, de voir beaucoup d'Indiens, parce que c'est la seule région des États-Unis où les tribus indiennes aient encore une vitalité, et une vitalité qui augmente d'ailleurs chez certaines de plus en plus. Et alors, certains des problèmes des Indiens, je les reconnaissais. Pour eux, pour les Indiens, comme j'étais français, et comme nous étions français, puisque j'étais là avec toute la famille, nous étions traités d'une façon différente des Américains habituels. Il y avait... nous étions, si vous voulez... une alliance secrète. Une alliance, oui. Nous étions tous deux marginaux par rapport à quelque chose. Alors, il y avait des communications. Il y avait des communications possibles. Mais je me souviens d'une fois... C'était dans l'Arizona. Nous étions allés avec des amis dans un village Hopi. Et les villages Hopi sont sur des pitons rocheux. Ils ressemblent un peu à certains villages des Alpes-Maritimes. Et nous nous promenons dans un de ces villages et nous rencontrons un Indien qui... vendait chez lui des petits objets. On commence à parler avec lui. Et cet Indien nous dit, oui, il y a des gens qui viennent voir nos villages, mais je ne comprends pas ce que nos villages ont d'intéressant. On est au milieu là, d'un paysage tout sec. Alors on lui dit, il y avait des fêtes dans un village à côté, des fêtes magnifiques la nuit, que nous sommes allés voir le soir. Alors on a parlé de ça, il dit, oui, bien sûr. Nous avons, nous, nous, nous, nos danseurs, là, qui sont partis dans leur camion tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est si peu de choses. Rendez-vous compte, moi j'ai été soldat dans l'armée américaine pendant la guerre. Eh bien, vous savez où je suis allé? Je suis allé en Autriche. Et là, je suis allé à Salzbourg. Eh bien, là je comprends qu'on aille à Salzbourg. Dans les églises, le dimanche, quand ils font leur fête, ils écoutent du Mozart. Alors, cet Indien Hopi, comme ça, avait une fantastique nostalgie de Salzbourg. Et ça n'empêchait pas de participer à ces fêtes. Eh bien, alors, j'étais là avec une de nos amies qui est une cantatrice, comme ça, qui justement était allée à Salzbourg, et qui, elle, de Salzbourg, avait... une fantastique envie du Far West, de ces choses tellement exotiques. Alors, depuis ce village-là, vous voyez, il y a la possibilité de découvrir Mozart comme quelque chose d'aussi exotique que les danses des ogresses. Oui, nous avons tous des ailleurs différents. Voilà, voilà. Il vous arrive de rêver encore? Oh, bien sûr! Je rêve toutes les nuits. Mais... Vous notez vos rêves? Non. J'ai noté des rêves il y a très longtemps, quand j'étais jeune, mais j'ai perdu ces notes. Mais je rêve, bien sûr. Et alors, j'ai écrit beaucoup à partir de ces rêves. Parce que je me suis rendu compte que un certain nombre de rêves revenaient très souvent. C'est pour ça que j'appelle ça matière de rêve. Parce que les récits que j'ai faits ne sont pas des récits de rêves datés de tel jour, non. C'est des rêves qui sont revenus plusieurs fois. Par exemple, j'ai des rêves professionnels. Quand je fais un cours, j'ai toujours le trac. J'avais un trac terrible quand je faisais des conférences autrefois. Maintenant, ça m'a complètement passé. C'est d'ailleurs pourquoi ça m'ennuie un peu de faire des conférences maintenant. Mais quand je fais un cours, alors j'ai le trac. La différence, c'est que quand on fait une conférence, on fait un petit one-man show. Hein? Et alors, le charme passe ou ne passe pas. Bon, si le charme passe, c'est au revoir, etc. Bon, donc on peut avoir raconté... Oui. Des bêtises, ça n'a pas d'importance. Tandis que quand on a des étudiants, on les retrouve la semaine suivante. Alors si on a dit une grosse énormité, ce qui arrive très souvent, eh bien, la semaine suivante, il faut arranger ça. Alors, quand je fais un cours, donc j'ai toujours un moment de trac, et puis bon, il faut passer, il faut refouler le trac. Et ça marche, bon, à peu près, au moins. Et alors la nuit, le trac se venge, si vous voulez. Alors la nuit, il m'arrive souvent de faire des rêves dans lesquels je fais des conférences qui sont complètement ratées, n'est-ce pas? Je suis incapable de parler, les gens sont furieux, m'injurient, etc. Eh bien, je vais vous dire au revoir, alors. Au revoir. Merci, Michel Butor. Pour mieux vous connaître, je crois qu'il serait bon d'aller vers ce livre, Voyageur à la roue. C'est un dialogue que vous avez avec Jean-Marie Le Sidaner aux éditions Brèche. Et puis, il y a le troisième numéro, si l'on peut dire, du génie du lieu, c'est votre dernier chez Gallimard, Boomerang. C'est une manière de bien vous connaître, et puis il faut lire complètement toute votre œuvre. Enfin, Michel Butor, je crois quand même c'est inscrit dans le courant, hein. Vous serez déjà quelque part au moins. À la disparition de Michel Butor il y a deux jours, mercredi 24 août, France Inter a choisi de rediffuser la radioscopie dans laquelle Jacques Chancel recevait l'écrivain du nouveau roman. C'était le 1er juin 1979. Michel Butor avait alors 52 ans. L'émission a été remontée par Stéphane Combe avec la participation de Lina.